Je voyais à Chambéry un vieux Lyonnais, fort bonhomme, appelé M. Duvivier, qui avait travaillé au Visa sous la Régence, et qui, faute d'emploi, était venu travailler au cadastre. Il avait vécu dans le monde. Il avait des talents, quelques savoirs, de la douceur, de la politesse. Il savait la musique, et, comme j'étais de Chambéry avec lui, nous nous étions liés de préférence au milieu des ours mal léchés qui nous entouraient. Il avait à Paris des correspondances qui lui fournissaient ses petits riens, ses nouveautés éphémères qui courent on ne sait pourquoi, qui meurent on ne sait comment, sans que jamais personne n'y repense quand on a cessé d'en parler. Comme je le menais quelquefois dîner chez maman, il me faisait sa cour en quelque sorte, et, pour se rendre agréable, il tâchait de me faire aimer ses fadaises pour lesquelles j'eus toujours un tel dégoût qu'il m'est arrivé de la vie d'en lire une à moi seul. Pour lui complaire, je prenais ses précieux torche-culs, je les mettais dans ma poche, et je n'y songeais plus que pour le seul usage auquel ils étaient bons. Malheureusement, un de ces maudits papiers resta dans la poche de vêtement d'un habit neuf que j'avais porté deux ou trois fois pour être en règle avec les commis. Ce papier était une parodie janséniste, assez plate, de la belle scène du Mithridate de Racine. Je n'en avais pas lu divers, et l'avait laissé par oubli dans ma poche. Voilà ce qui fit confisquer mon équipage. Les commis firent à la tête de l'inventaire de cette malle un magnifique procès-verbal où, supposant que cet écrit venait de Genève pour être imprimé et distribué en France, il s'étendait en vaines invectives contre les ennemis de Dieu et de l'Église et en éloge de leur pieuse vigilance qui avait arrêté l'exécution de ce projet infernal. Ils trouvèrent sans doute que mes chemises sentaient aussi l'hérésie, car, en vertu de ce terrible papier, tout fut confisqué, sans que jamais, comme que j'ai pu m'y prendre, j'ai eu ni raison ni nouvelle de ma pauvre pacotille. Les gens des fermes, à qui l'on s'adressa, demandaient tant d'instructions, de renseignements, de certificats, de mémoires, que, me perdant mille fois dans ce labyrinthe, je fus contraint de tout abandonner. J'ai un vrai regret de n'avoir pas conservé le procès-verbal du bureau des Rousses. C'était une pièce à figurer avec distinction parmi celles dont le recueil doit accompagner cet écrit.